Alors on a pu laisser passer la personne. Maintenant on demande juste d'accompagner, qu'il soit juste accompagné de quelqu'un, ce qui est tout à fait légal. Enfin, il n'y a rien, on ne peut pas nous empêcher. On nous dit qu'il y a trouble d'ordre public et donc ça justifie des règles d'exception qui rendent impossible l'assistance de quelqu'un pendant le fait qu'il dépose plainte, notamment les deux témoins qui étaient là et qui donc on a juste eu l'occasion. Dans des circonstances pareilles, où, celui qui va déposer plainte, on va sans doute pas le manipuler, mais on va peut-être pas lui poser les bonnes questions, faire un peu pression sur lui, oublier de lui poser les bonnes questions alors que l'avocate pourrait aider. Mais donc, ne plus qu'être là pour qu'on fasse pas pression. On va reposer la question juste devant les policiers, comme ça. Est-ce que l'avocate peut venir assister son client pendant le dépôt d'une plainte? Pas devant un micro. Ah, c'est voilà. En fait, vous n'avez plus rien à dire. Donc alors, je peux rentrer puisque vous ne me donnez pas de réponse. Vous me donnez une réponse ou pas? Moi, j'ai besoin d'avoir une réponse oui ou non. Est-ce que je peux rentrer pour voir le dépôt? Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous incitez à du désordre sur la voie publique. D'accord. Et donc, la réponse, c'est que je ne peux pas rentrer, c'est ça? Donc, je ne peux pas assister mon client pendant qu'il dépose plainte. Est-ce que c'est bien ça? Donc, vous ne répondez pas. Je ne suis toujours pas au courant. Je voudrais juste savoir, est-ce que je peux rentrer, assister à la déposition de... Monsieur est majeur. Monsieur est majeur. Il a fait appel à mes services. Je suis son avocate. Il a fait appel à mes services, monsieur. Il a fait appel à mes services. On m'a interdit d'aller l'assister pendant qu'il dépose plainte. On est d'accord avec cette version des faits. Qui êtes-vous pour dire ça? Je suis son avocate. C'est moi qui sais quand même mieux ce qu'il veut. Bah, apparemment, vous ne connaissez pas. Apparemment, non. Et oui, et sur quelle base? Il n'est pas accusé de quoi que ce soit. Donc, non, il dépose plainte. Il n'y a pas de problème, il est majeur. Donc, on est quand même d'accord, il fait appel à mes services. Il connaît pas votre nom? Il connaît mon nom. Vous avez fini avec ce chantage délictueux. C'est une avocate, elle porte plainte avec son client, elle a le droit d'y aller. Donc juste qu'on redise bien les choses, que ce soit bien enregistré. Donc je suis dans l'incapacité d'aller assister quelqu'un, que je sois avocate ou pas, peu importe. On vous remercie de dire ce genre de choses, parce que pour nous c'est super important qu'on puisse savoir ça. Que vous interdisez l'accès à un avocat qui va porter plainte avec son client. C'est très important pour nous, merci. Ah ça c'est magique. Ouais. Merci. Wow. Merci. Et ça restera jamais impuni. C'est bien ça, 53-39, c'est son matricule. 53-39, non, c'est pas ça. C'est pas ça, son matricule. Son matricule est ici. Non, son matricule est enlevé comme par hasard. Donc en fait, c'est l'officier. Bonjour, policier. Bonjour, micro. À l'amigo. On peut prendre une photo, oui, comme ça, puisque en fait aussi, il faut savoir que les agents nous refusent le droit d'avoir accès à leur matricule, donc on n'a aucune idée de qui ils sont. Donc on va devoir prendre des photos. Vous pensez crier qu'on la bête, hein? On est bête dans la folosse. Dat is geen probleem, ik heb politie rustig te fotograferen. Maar hoeveel mensen zitten hier nu vast? Het is geen probleem, ik heb fotograferen. La police komt hier van vrij en direct zitten. Oui, c'est une fonction publique. Sinon, il n'y aurait jamais de rapport dans les journaux. Dans les journaux, il n'y aurait jamais de rapport nulle part si on ne pouvait pas faire. Tous les gyms ne peuvent rien faire. Les personnes qui sont en train d'exercer leur fonction. Il y a un monsieur qui a déjà fait la plainte. Dat is een procedure en die moeten dus nu door de officier van justitie of 24 uur. And now they're nagging about the photos, but in fact they take photos because they're doing their job. Not in their private.